si un juge ou un homme politique était surpris en train de fumer un joint, c'est sûr que j'écrirai un article. Mais gardez surtout votre indépendance, oui. Parce que quel que soit le président, quelle que soit la majorité au Congrès, quels que soient ceux à qui vous avez affaire, si vous êtes indépendant, et si vous savez profiter de votre position, vous aurez tout pouvoir. Le pouvoir, c'est ce juge qui ne ressent aucune peine quand il donne des lourdes peines et que tu finis à la benne ou dans une tombe. Envers eux, j'ai la haine, envie d'une bombe. Il faut que je fume pour rester zen. Le pouvoir, c'est ce procureur qui, pour des délits mineurs, veut te mettre longtemps en taule, autant qu'un serial killer. Dédicace aux dealers qui passent à la barre et qui tombent par malheur sur ce genre de bâtard. Le pouvoir, c'est cette mafia, pas les petits scars là qu'on côtoie, non, c'est bien en place avec l'État. Ceux qui dirige tout d'autant bas qu'on voit pas, qu'on juge pas, car c'est avec le préfet de police qui passe leur réçoit. Ce que beaucoup veulent être depuis qu'ils ont vu Montana, bien ou pas, je sais pas, inutile, je crois pas. En tout cas, du pouvoir, eux en ont bien plus qu'on le croit, du moins moi, c'est ce que je crois. Le pouvoir, c'est ce fric qui te sort de l'enfer quand l'histoire se complique, quand ça sent la demeure. Quelques billets sous la table et tu deviens intouchable. De quoi péter un câble quand d'autres s'enfoncent dans le sable. Le pouvoir, c'est ce président qui nous enlève de l'argent et lui tranquillement augmente sa paye en passant de plus de 150%. On trouve ça lassant, même blessant, à en faire couler le sang. Le pouvoir, c'est cette arme tenue par un gazier, en face de lui un mec en train de chialer priant de pas le sauter, ou celle tenue par cet enfant soldat. Mais celui qui a le pouvoir, c'est celui qui lui mais entre les doigts, ils font en sorte que des peuples s'entretuent. Que crois-tu, c'est décevant d'en voir autant dans nos rues. Mais fais attention, un jour t'auras affaire à un vrai têtu. Il va te carotte ton flingue et te le planter dans le cul. Le pouvoir, c'est ce porc qui t'arrête sans arrêt, toujours à chercher tes sommets pour sa conso personnelle. Le ribou mérite qu'on lui frite les deux ailes pour plus qu'il vole des types dans nos putains de ruelles. Le pouvoir, c'est cette drogue qui te bug ton esprit pour que tombe dans l'oubli tes ennuis, tes soucis. Sans répit, jour et nuit apparaît une envie de faire une pause à tout. Pris l'overdose et proche et te suit. Le pouvoir, c'est ce casse-maton dans les quatre murs de la prison. Mais une fois dehors, chie dans son caleçon, de peur de croiser un ancien détenu. C'est loin qu'il a construit sa maison. Son pouvoir n'est qu'illusion. De l'abus, c'est ce qu'ils en font. Le film expérience en est une vision. L'envie de pouvoir peut te monter au plafond. Que veux-tu faire quand t'es con et qu'on te donne le droit d'humiliation, qu'on te donne le droit de pression. Le pouvoir, ce professeur qui se prend pour ton père, te colle à toutes ses heures parce que tu ne veux pas te taire. Qui ose dire à tes parents qu'ils n'ont pas su éduquer leur enfant, c'est en fait un putain d'enfoiré. Le pouvoir, c'est ce patron qui te prend pour un con, pour un pion, dans son jeu à faire du bifton. Et si t'as pas de piston, oublie l'augmentation. Ouais, c'est chaud fiston, faut pas baisser le pantalon. Le pouvoir, c'est ces banquiers bons qu'à nous endetter. Au niveau mondial, c'est pas mieux, regarde tous ces boursiers, tous pétés à la coco café, jouent avec le monde sur des bouts de papier. C'est ça qui a l'air de les faire kiffer. Ils savent que des gens vont en crever, mais rien à branler. Au soir, c'est dans un 4 étoiles qu'ils vont se gaver, enfoncer les gens dans la merde pour monter. C'est leur métier, c'est ça qui a l'air de les motiver. Le pouvoir, businessman qui vendrait même son âme. Ses gosses et sa femme pour de la maille, c'est infâme. L'argent pourrit les gens et lui pourrit nos vies. Jamais de sentiments pour lui, la vie a un prix. Le pouvoir, producteur qui essaye d'influencer tous ces nouveaux chanteurs qu'il vient de recruter. Dans mon cœur, trop de rancœur pour faire de la variété. Souvent de mauvaise humeur qu'ils aillent se faire enculer. Le pouvoir, c'est ces médias sans intégrité, voulant nous manipuler, ne montrant jamais la vérité. Toujours dévié, toujours faussé, toujours dirigé politiquement. Faut pas choquer, tout est calculé pour nous moutonner. Les journaux, la télé, faut trier, faut décrypter. Beaucoup se font pas chier, regarde pas plus loin que le bout de leur télé. Ça, Sarko et tous les autres enculés l'ont bien capté. Le pouvoir, c'est ce peuple quand il est réuni, il serait capable de faire changer d'avis tous les abrutis qui contrôlent les pays. Mais on est désunis, on en paye le prix, on se saigne en profit. Le pouvoir, c'est les mots qui peuvent influencer, pour te faire avancer, pour te faire reculer, te manipuler, pour te faire exploser. N'importe où tu le ferais, t'es lobotomisé. Le pouvoir, c'est ce que je veux donner à ce texte. Moi j'aime l'écriture dans tout son contexte. Quand ça vient du fond de l'être, bien ou mal-être, savoir le décrire grâce à des lettres. Pour toucher les autres, pas pour le paraître. Apparaître vrai sans cesse, je vois pas ce que je peux faire comme prouesse. Les écrits restent, ça personne le conteste. Je veux pas être le bête, je veux juste faire ma trace et je la laisse. Et je te la laisse.